too. I say, where you go with that gun on your hand? I'm going downtown to shoot my whole lady. You know, I heard she said someone with some other man. I'm going down to shoot my whole lady. You know, I cut her feet around with some other man. Oh, and oh. Hey, Joe, I heard you shot your lady down. Shut her down now. Said, hey, Joe, I heard you shot your lady down. I shut her down on the ground, yeah, yeah. Yes, I did a shut up. You know, I caught her missing round the top of the mountain. Running town, running town. Yes, I did. I shot her. You know, I closed my hole in the distance around town. And I give her the gun. Oh, yeah, I give her. Oh. doctor. He don't need no pill. He don't need no doctor. He don't need no pill. Take my advice, it surely kill your heels. Head down to New Orleans, the prettiest place you'll ever seen. Head down to the riverbed, that's where the music never ends. Pop in your heels, don't you feel good? Get yourself washed up and bruised. Chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, vous le savez depuis bientôt 13 ans, hein, l'émission Mauricas à partir de 19h. Voilà, nouveaux horaires depuis l'épisode du Covid. 19h, 22h, on est ensemble pour 3 heures de musique. Alors vous le savez, les meilleurs artistes de la région orléanaise viennent dans nos studios pour nous présenter leur musique. Et de temps en temps, on fait une émission un petit peu plus tranquille, où il n'y a pas d'invités dans les studios, mais par contre, je diffuse pas mal de leurs morceaux. On a commencé cette émission avec Ombrage, un groupe qui est venu il y a quelques temps dans les studios. Je les avais découverts en concert. J'ai eu la chance de les avoir ici avec moi pour nous présenter justement leur univers. Et à cette occasion, ils nous avaient laissé un titre qui s'appelle The Old Rain. Et c'est le morceau avec lequel on a commencé cette émission. On a aussi écouté un morceau de Glazone. Glazone, il était chez nous il y a 3 semaines, si je me trompe pas, hein, ou quelque chose comme ça. Le morceau qu'on a écouté, c'est Fleeting Madness. On a continué avec The Gig, un groupe encore une découverte, hein. C'est la première fois qu'ils venaient dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Maintenant, ils font partie de la Mauricas Family, hein, vous inquiétez pas. Le morceau qu'on a écouté, moi j'aime bien The Gig, c'est très années 70 et j'aime bien ce genre de rock'n'roll. Donc c'était Gotta Leave This City. Juste après, c'était encore avec l'influence des années 70, puisque c'est une reprise de Jimi Hendrix, qui avait été aussi reprise par Johnny Hallyday en français. C'était les Satis Guys, et c'est un enregistrement qui a été fait lors de leur passage. Donc, si je ne me trompe pas, c'était l'émission numéro 549. Les Satis Guys, un groupe de reprise hein, avec lequel on avait passé une très bonne soirée, nous a fait pas mal de live, dont celui-là, que j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que je vous le passe. J'en ai d'autres aussi dans ma besace, et je vous les ferai partager au fur et à mesure des autres émissions. On a continué cette musique, cette émission avec la musique des Shaking Mates, avec un blues, le blues des Bullfrogs, ça veut dire c'est je crois qu'on les appelle les crapauds buffles en français, c'est comme ça. Donc c'est le blues des Bullfrogs, voilà. Et c'était les Shaking Mates, un groupe qui est de la région parisienne et qui est en concert ce soir. Donc si vous m'écoutez pas ce soir parce que vous êtes au concert, vous êtes pardonné. Sinon ça va barder. En tout cas, les Shaky Mets aujourd'hui sont à Saint-Jean-de-Bray, hein, si je me trompe pas. Donc il est encore temps d'aller les voir, vous renseigner, vous tapez sur les réseaux sociaux, vous saurez exactement où ça se trouve. Et en tout cas, c'est un groupe qui vaut vraiment la peine, surtout en concert. Hein. Ils ont participé à un Maverick Live, comme je l'avais dit, et ils reviennent dans les studios de Radio Arc-en-Ciel quand ils ont envie, il n'y a pas de souci. Voilà, on est ensemble donc pour 3 heures. J'ai écouté un peu de musique, je vous ai préparé plein de belles choses, des morceaux qu'on écoute moins souvent. Donc aujourd'hui j'ai un petit peu fait un panaché de plein de musiques différentes. Alors on a beaucoup de rock'n'roll, vous savez que l'émission Maureka est orientée quand même pop-rock, mais pas que. On aime bien aussi faire des petites fantaisies de temps en temps, et c'est justement le cas du morceau qui vient juste après. Donc le morceau qui vient juste après, c'est Gilles Selig, un featuring de Christy et Phil Cool, et ça s'appelle Reborn. Et Phil Cool, si vous le souvenez bien, il était venu dans l'émission Maureka depuis les premières années. Hein. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais il nous a envoyé ce morceau-là. Pourquoi ? Parce qu'il a écrit les paroles de la chanson qui suit. Écoutez avec beaucoup d'intention. C'est la première diffusion dans les radios. J'espère que très bientôt on l'écoutera dans les autres radios aussi. Voilà, donc on continue avec de la bonne musique. On est ensemble jusqu'à 22h et c'est l'émission Maureka et c'est aujourd'hui l'édition numéro 551. première diffusion radio sur Radio Arc-en-Ciel de Gilles Selig, un featuring de Christy et Feel Good. Feel Good qui était venu avec le groupe Olivier Mataïs, je sais que vous vous en souvenez. Et en plus, je sais que pas mal de gens, je les ai vus un petit peu se balancer sur ce morceau. Voilà, le morceau s'appelle Reborn. Tout à l'heure, je vous ai parlé des Shaking Mates, ils sont en concert ce soir. Et ben, forcément, on m'a demandé où, à quel endroit. Donc ça commence à 20h, donc il est encore temps d'y aller. Hein. Ça, c'est la seule excuse pour ne pas écouter l'émission ce soir. Et donc c'est vendredi 5 mai 2023 à 20h, c'est au Meeting Pot Café. Ça se trouve 185 rue du Faubourg Bourgogne et c'est à Saint-Jean-de-Bray. Ben, nous, pendant ce temps-là, on continue avec un groupe qui était en concert hier et je vous laisse découvrir. On en parle après. Aim starts to show the way. Valley and the moonlight. Silence is raging. Seems so far away. The winds of heaven whistles around. Going in the hold of my mind. Another day will be again. Silence is raging. Seems so far. valley and the moonlight. The silence is raging. Seems so far away. Seems so far away. Voilà, ils étaient en concert hier à la salle Montisson, c'est à Saint-Jean-le-Blanc, avec d'autres artistes. Hein. Il y avait Esprit d'Escalier, un groupe qui est déjà venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, qu'on apprécie énormément, hein. Ils sont excellents. Et l'excellent Jekyll Hood aussi. Donc un très bon concert hier soir. Donc j'ai pas les retours, hein. Il y a quelques photos déjà sur Internet, j'ai vu ça. Et ils reviennent quand ils veulent. Le groupe Orpheum Black avec le morceau Silent. On écoute un autre groupe qui participera très bientôt au concert Maverick Live numéro 12, ça sera le 10 juin. Le groupe s'appelle Custom et c'est un petit peu pessimiste, mais on va la diffuser quand même. Ça s'appelle Pauvre Monde, Poor World, le groupe Custom. Just do. C'est un petit peu pour contrer le pauvre monde, poor world des Customs tout à l'heure. C'est le paradis sur terre. Le paradis sur terre, c'est avec le groupe La Jarrie, un groupe qu'il faut absolument aller voir en concert à chaque fois qu'ils passent sur Orléans et ailleurs, hein, puisqu'ils font des tournées mondiales. Voilà, donc on va continuer encore avec de la très bonne musique. Je vous propose d'écouter un autre groupe que j'ai vu en concert il n'y a pas très très longtemps, qui était venu il y a une dizaine d'années dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour l'émission Mavrika avec nous. Il s'agit du groupe Warm Up et on continue avec un symbole qui est pas très très beau. Hein. Le soleil c'est beau, mais le soleil noir c'est plutôt maléfique. On écoute tout de suite le groupe Warm Up. Yeah. peux éclairer ma tête de con comme un flingue sous la table. Jouer de ta position, toujours les héros sur tes réseaux sociaux. Tu critiques et tu baves, porté comme un esclave. Well, oh, my phone. Fais-moi un petit selfie. T'as croisé le diable, il a changé ta vie. Partage un maximum, de Paris à London. Tous tes potes vont liker, commenter, partager. Allô, ma phone. Ta révolution, la ligne n'est pas fiable, bug des connexions, cumule et moi j'aime sur ton journal de haine, histoire personnelle, hashtag est la plus belle. Allô. Avec Faune, effectivement, c'est, il fallait quand même faire un album à propos de ça, parce que tout le monde en a un plus ou moins pas très loin de lui, hein, ou dans sa poche, ou ailleurs, ou dans sa main la plupart du temps. Donc c'était les Red Duff avec Faune, juste après les warm-up avec Soleil Noir, et juste avant les Garens avec un titre qui s'appelle Obsession, et c'est le titre de leur dernier album, puisque ce groupe malheureusement n'existe plus, mais qui nous a laissé quand même de très bonnes chansons, le groupe Garens avec Obsession. Anxiété qui assaille mon esprit.

live. We'll be right back. copains. Oh, mêmes valeurs. Elle ne refera pas mieux. Elle représente si bien nos couleurs. Avec un groupe qui est venu à plusieurs reprises dans les studios Radio Arc-en-Ciel, on les a suivis pendant pas mal de temps. Je pense qu'ils sont en stand-by actuellement. Le morceau s'appelle Les Droits de l'Homme. Juste avant, c'était Jekyll Wood avec The Dolls. Encore avant, un groupe que j'aime beaucoup, un groupe que beaucoup de gens aiment. Il s'agit des Burning Heads avec Time's Up. Encore avant, c'était les Comintern Sect. Que restera-t-il de toi? Et on a écouté aussi Esprit d'escalier avec Synesthesia. Encore avant, c'était Yeti, un groupe que nous allons retrouver le 10 juin donc sur la scène de l'Espace BRR pour le Maverick Live numéro 12. Ça sera le 10 juin, retenez bien cette date-là. Le groupe Yeti avec un morceau qui s'appelle Life is Trust. Et on a commencé cette série musicale avec The Black Tomato in the Middle of the Night. Juste après, on écoute un groupe qui est venu il n'y a pas très longtemps dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Un groupe que j'ai beaucoup apprécié, j'aime bien leur album. Et on va écouter un morceau qui s'appelle Give Me a Reason et c'est le groupe Neutral. We'll be right back. Voilà, encore un titre qui claque, le groupe Prisma avec Tell Me Why. Et d'ailleurs, j'ai eu tout à l'heure Christophe au téléphone, il nous passe un petit coucou à la radio. Et bien entendu, à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, le morceau qu'on vient d'écouter, c'est Tell Me Why. Et c'est un morceau qui envoie bien comme il faut, en tout cas avec beaucoup de plaisir. On va calmer un petit peu les décibels avec un titre d'un groupe qui viendra très prochainement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'est une découverte pour moi, et comme pour vous ce soir, il s'agit de Pauline à la plage. Alors Pauline à la plage, je connais un des membres, c'est lui qui m'a contacté, c'est quelqu'un qui faisait partie du groupe Mandrake. Vous vous souvenez du groupe Mandrake? Il était venu de nombreuses fois, d'ailleurs c'est le groupe qui s'est formé dans l'émission Mavrika, hein. Il était venu la première fois Guillaume tout seul et il cherchait des musiciens, il est revenu avec d'autres musiciens et c'est Pierre, le batteur du groupe Mandrake, qui fait partie de cette nouvelle formation qui s'appelle Pauline à la plage. Et ça fait un petit peu années 60, moi j'aime bien chanson française, et ça s'appelle « Si tu m'aimes demain ». Je me bouscule, envie de rien. Une fois prêt, je ferme ma clé. Mes sentiments, amour imparfait. Tu m'as bien vu ce soir. L'accusé qui dénonce. Un seul geste, un regard. Je cherche des comme toutes les semaines, tu repars éteint, j'entends les sirènes. Un seul mot d'ordre, une seule vérité. Ce que je trouverais pas ça, ma réalité. Tu m'as bien vu ce soir. L'accusé qui dénonce. Un seul geste, un regard. Je cherche des réponses. c'était Le Tourment avec Alex Lebaille. Alors toute la semaine j'ai eu le titre éphémère que je vous passe dernièrement dans la tête et je me suis dit tiens, on va changer quand même un petit peu, on revient au Tourment, Le Tourment de Alex Lebaille, juste après Pauline à la plage, Si tu m'aimes demain, et on continue avec des chansons françaises. Les autres radios, ils ont du mal à s'imposer des chanteurs français. Ben nous on s'impose rien du tout, on aime les artistes qu'on diffuse et c'est pour ça qu'on va écouter tout de suite monsieur Max De Giovanni avec Une dernière fois. De sa main dans la mienne. Voilà, que des souvenirs. Donc, c'était Max de Giovanni, je me souviens. Il était venu de Biarritz, hein, spécialement pour l'émission Mavrica sur Radio Arc-en-Ciel. Et il avait interprété cette chanson, là. Ça, c'est la version de l'album, hein. Mais il l'avait aussi interprété en direct live. Et je me souviens qu'il y avait une émotion très profonde. Il était vraiment dans son truc. Et franchement, une très belle chanson. Ça s'appelle Une dernière fois. On continue avec d'autres artistes qui sont venus il n'y a pas très longtemps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ils sont venus de Paris cette fois-ci. C'est Anaïs from Paris. Et le morceau que je vous propose d'écouter tout de suite, c'est Une parole impeccable. Plaisir de réécouter des chansons comme ça, des belles chansons. Et en plus, moi, j'ai cette chance de les recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il y a toujours des souvenirs qui me viennent avec des belles images. Donc, les photos, vous pouvez les retrouver aussi sur le Facebook de l'émission Mavrica. Pour chaque émission, il y a un album. La semaine dernière, nous avons reçu Stéphane ici pour son projet Stéphane Acoustique. Les photos sont sur le Facebook de l'émission Mavrica, tout simplement. Vous allez sur photos, vous allez sur les albums et vous trouvez des numéros. Alors, chaque numéro correspond à un numéro d'émission. Aujourd'hui, c'est la 551e émission et nous n'avons pas d'invité, donc nous diffusons le maximum de musique et c'est pour notre plus grand plaisir et pour le plaisir des auditeurs aussi, on espère. En tout cas, on va continuer avec un autre groupe qui nous a laissé de bons souvenirs aussi, c'est le groupe Turn Off. Je vous propose d'écouter un morceau qui s'appelle « Les valeurs de l'enfance ». « gamin dans la cour de l'école. Tu côtoyais des Turcs, des Arabes, des Créoles. Tu jouais avec eux, ça ne te dérangeait pas. Et leur couleur de peau, tu la voyais même pas. Maintenant que tu es grand, soi-disant bien pensant, tu penses que la France est toujours une vase blanche. Mais tu rases les murs quand tu croises les rêveux. Les gens ne sont pas français, ils retournent chez eux. chanson qui a été enregistrée pendant le confinement avec les artistes du groupe Skawax. Ça s'appelle Réseaux sociaux. Juste avant, c'était les temps neufs avec les valeurs de l'enfance. Et maintenant, je vous propose d'écouter un morceau d'un groupe qui fera partie du Maverick Alive le 10 juin à l'Espace Bérère. Donc, le Maverick Alive numéro 12. Il y aura donc Melody Road. Il y aura Custom. Il y aura Alex Lebaille. Et il y aura Yeti. Donc, on a écouté déjà pas mal d'artistes et on va écouter maintenant Melody Road avec une reprise de Duffy. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un morceau qui s'appelait Mercy et on l'écoute tout de suite. Depuis pas longtemps, faut que je me décide pour ma vie. J'ai des doutes et des envies, c'est plutôt banal à 20 ans. Moi le bahut, c'était dans le temps, on peut dire que j'ai un peu roulé. Je me sens un peu abîmé, plutôt classique à 40 ans. On me dit de presser le pas, de devenir l'acteur de ma vie. J'aimerais profiter d'aujourd'hui.

Après Melody Road et le titre Merci, une reprise de Duffy, nous avons écouté, on aime bien Mourad, on aime bien Mathis Poulain, mais les deux en même temps, on les aime encore plus. C'était le titre Scruter l'horizon. Juste après, c'était Arrigoni avec Georgia Poulikin. Il y a du monde qui applaudit, vous avez vu. C'était un enregistrement en live. Donc Arrigoni et Georgia Poulikin avec Défends-moi. Et à l'instant, le titre que vous venez d'écouter en live, comme on a pu le constater, c'est Les Ailes au Nord avec un titre qui s'appelle Tout est parti. Et c'est pour, en attendant d'avoir les enregistrements de la semaine dernière, c'est pour notre ami Stéphane qui était notre invité. Stéphane Acoustique, il était venu avec son projet acoustique, Stéphane en solo, et il fait aussi partie du groupe Les Ailes au Nord, et c'est pour lui que nous avons diffusé ce morceau-là qui est très plaisant. On a récupéré les lives de la semaine dernière, donc on les diffusera dans les prochaines émissions. En plus, il nous avait fait des superbes lives, donc au nombre de 9, hein, si je me trompe pas. On va les sélectionner et puis on les diffusera dans les prochaines émissions. On va continuer avec un groupe qui était chez nous il y a pas très longtemps, qui s'appelle Drive to Amnesia. Le morceau s'appelle Nothing is Impossible. Et juste après, un autre groupe qui est venu nous voir. Donc, après pas mal d'années d'absence, ils étaient déjà venus il y a quelques années. Ils sont revenus il y a pas très très longtemps. C'est le groupe Full System. Et le morceau que nous allons écouter s'appelle City Trip. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel. Et c'est l'émission Mavrika. Faut vraiment aller voir en concert le groupe Full System avec le titre City Trip. Juste après, encore un groupe que j'ai déjà vu en concert mais que j'irai voir avec beaucoup de plaisir encore, c'est The Brunettes. Ils étaient avec nous il y a quelques semaines dans nos studios et ils nous avaient apporté un premier enregistrement fait en studio en attendant les autres, puisque c'est un groupe qui a fait beaucoup de live mais qui n'a pas encore fait beaucoup de studios. Donc nous avions diffusé en exclusivité le morceau qui s'appelle Lover Song, et je vous propose d'écouter tout de suite, juste avant le Vlad Piton Group, I Want You Bad. Yeah. prison, travel a deep day in the night. I feel home, I'm waiting for someone to cheer right down. Then packing up in bed seals, and for the next hour. Travel a dizzy in the night. A thousand times I'm in this room, thousand times. Got no roots, but my home was never underground. I've got no roots, but my home was never underground. No roots, I've got no roots. I've got no roots, but my home was never underground. I've got no roots, but my home was never underground. And still, boy, that just a wish to play. Ask me where I come from, I say a different way. Travel a gypsy in the night. I can't give the numbers and play the kiss name. It just applies that changes the words it still the same. Travel a gypsy in the night. Was never underground. I've got no roots, but my home was never underground. No roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never underground. But my home was never underground. No roots. I've got no roots. Hiding holes, hiding things inside them. When I grow old, I won't forget find them. Hiding holes, hiding things inside them. When I grow old, I won't forget to find them. I've got no roots. Petit souvenir de l'émission numéro 415. Dans cette émission-là, nous avions reçu un groupe qui s'appelle Missing, que vous connaissez sûrement si vous êtes de la région orléanaise. Ils tournent beaucoup, ils nous font des super bons concerts. Il faut aller les voir. Ça, il faut pas hésiter. Et le morceau qu'on vient d'écouter, ça s'appelle No Roots. Voilà, un petit souvenir de l'émission numéro 415, où ils étaient là dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. On va continuer encore avec d'autres artistes de la Maverick Samini, des artistes qui sont venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit du groupe Duke, le groupe Duke qui interprète un morceau qui s'appelle Qui sèche. Petit séjour en bord de mer, je n'emporte que le nécessaire. Je vais passer la semaine au grand air, il ne me faut que peu d'affaires. Trois jours passés, il faut l'admettre, je n'ai plus grand chose à me mettre. Il faut maintenant que je m'active, il est grand temps de faire une lessive. Il sèche. Je vais rester toute nue pendant que ça sèche. Mon linge est étendu. Il sèche. Je vais rester toute nue pendant que ça sèche.

toujours en bonne compagnie avec les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. L'émission Mavrika, ben, se termine à 22h, donc c'est dans quelques minutes. On a écouté pas mal de musique et c'est vrai qu'on a mis l'accent vraiment là-dessus, passer le maximum de musique des artistes de la région orléanaise et même de plus loin, hein, les gens qui ont vraiment des morceaux à faire découvrir et un univers aussi. Hein. On a écouté tout à l'heure Duke avec Qui sèche, on a écouté aussi Les Frissons avec Me voilà reparti. On a écouté Mirk avec La balade de Jim, The Uncle Bikers avec Never She Never Stop, Les Strong Come Ons avec Underworld, Les RNCs avec Muscle Beauty, laissez-le dire avec l'accent quand même. Et à l'instant, là, ben, le son que vous écoutez actuellement, c'est le groupe Delorto avec Psyché. Voilà, on est dans l'émission Mavrika, c'est l'édition numéro 551 et bientôt ça sera terminé, donc on va dire tout de suite les phrases magiques. Que le rock'n'roll soit avec vous, une vie sans musique serait une erreur et everything is gonna be alright. Donc la semaine prochaine, bon, on se retrouve même endroit, même heure, hein, 3 heures de musique qui passe vraiment très vite, hein, on est très bien accompagné dans l'émission Mavrika avec de très bons artistes. Le 19, on va recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel une personne qui est déjà venue, hein, il s'agit de Angéline Anonier. On va l'écouter avant de se quitter. On écoutera aussi un petit morceau de notre ami David McLean. Voilà, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, ne quittez pas cette fréquence puisqu'il y a toujours de la très bonne musique et puis avec des styles complètement différents les uns des autres suivant les émissions. On a cette liberté sur Radio Arc-en-Ciel, c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on continue à faire découvrir les artistes de la région et voilà, c'est très important. Voilà, on va continuer donc avec Angéline Anonier et après on se quittera donc avec un morceau de monsieur David McLean. Vous avez reconnu l'introduction, c'est Shanghai. Traverse through my imagination. Dans une ville, un bar, une fille, un garçon. Ils sont là, il est tard, ils sont seuls, à quoi bon? Il lui jette un regard, elle le croise dans ses yeux. Il est déjà si tard, vont-ils être amoureux? Un regard, un sourire, deux, trois gestes, une attitude, deux, trois mots pour rien dire, et pourtant il se passe tant de choses, je ne peux vous les décrire, rien qu'un début, qui sait s'il finira. Il s'insinue vers elle, elle ne veut pas s'enfuir. Il est beau, elle est belle, ils veulent se séduire, s'attraper par le cœur, s'enivrer dans leur corps. Qu'importe s'il y a erreur, ils sont maîtres de leur sort. Un regard, un sourire, deux, trois gestes, une attitude, deux, trois mots pour rien dire, et pourtant il se passe tant de choses, je ne peux vous les décrire, rien qu'un début, qui sait s'il finira. Demain ce sera toi, demain ce sera moi, tu me reconnaîtras, je ne verrai que toi. Je t'offrirai demain, je te parlerai d'hier, on voudra que demain soit bien meilleur qu'hier. Un regard, un sourire, deux, trois gestes, une attitude, deux, trois mots pour rien dire, et pourtant il se passe tant de choses, je ne peux vous les décrire, rien qu'un début, qui sait finira. Un regard, un sourire, deux, trois gestes, une attitude, deux, trois mots pour rien dire, et pourtant il se passe tant de choses, je ne peux vous les décrire, rien qu'un début, qui sait s'il finira. Sorties, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. E assumiu divergência nessa matéria com Marcelo Rebelo de Sousa. Paulina Xiziana, escritora moçambicana, no Dia Mundial da Língua recebe o Prémio Camões, referente a 2021, e afirma há que descolonizar a língua portuguesa. Liga dos Campeões de Futsal, o Sporting está pelo terceiro ano consecutivo na final. Previsão do tempo para amanhã, sábado 6 de maio, continente, chuva em especial no Minho e Douro Litoral, Madeira e Açores, períodos de céu muito nublado com chuva. A esta hora, Lisboa e Ponta Delgada estão com 18 graus, Porto 20, Funchal 21, Faro está com 22 graus. Edição às 9 da noite com Cláudia Almeida. O primeiro-ministro desdramatiza as críticas do presidente da República menos de 24 horas depois da declaração ao País de Marcelo. António Costa não esconde que há uma divergência entre São Bento e Belém quanto à responsabilidade pelo mais recente caso a envolver um membro do governo. Sublinha, no entanto, que há caminho para convergência. Foi um discurso que tinha duas partes. A primeira parte relativa ao passado, onde sem novidade confirmou que o que já sabíamos, temos uma divergência quanto à responsabilidade por um conjunto de eventos deploráveis. Em 10, 7 anos e 2 meses de relacionamento, foi uma exceção naquilo que o seu próprio presidente designou como uma relação que tem sido marcada pela capacidade de acertarmos agulhas. Acho por isso que não se justifica dramatizarmos. Tem uma segunda parte sobre o futuro, e no qual temos total convergência. O que mais importa é manter uma boa cooperação dos órgãos de soberania para garantir a estabilidade e permitir que se prossiga uma ação que permita que as melhorias da economia se vão progressivamente traduzindo nas melhorias da situação de vida dos portugueses. O Primeiro-Ministro defende ainda que tanto ele como o chefe de Estado atuaram dentro dos limites dos poderes constitucionais sobre a maior vigilância de Belém. António Costa diz que é bem-vinda. Eu creio que todos os portugueses confiam e desejam essa vigilância ativa por parte do Sr. Presidente da República e o Governo não é exceção, nem se sente nada incomodado. Eu e o Presidente da República conhecemos pessoalmente há muito tempo. E eu acho que o que é normal em democracia é que desde que cada um exerça as competências próprias que a Constituição lhe atribui, isso é um ato normal para todos os outros. Nesta circunstância que tem agitado muito o noticiário político, verdadeiramente ninguém tem dúvidas que quer eu próprio, quer o Governo, quer o Sr. Presidente da República, agiram no estrito com o exercício das suas competências constitucionais. Divergimos, sim. Sobre a permanência de João Galamba no governo, António Costa reafirma a confiança no ministro, deixa também elogios ao trabalho do ministro das Infraestruturas. Foram as declarações do primeiro-ministro à margem da entrega do Prémio Camões de 2021 à escritora moçambicana Paulina Xizian, que aconteceu uma semana depois de Chico Buarque ter recebido o mesmo prémio, mas referente a 2019. A cerimónia decorreu no antigo Pigadeiro Real em Lisboa. Foi lá João Alexandre que Paulina Xizian defendeu que para ser de todos os povos que a falam, a língua portuguesa precisa de uma descolonização. Caminhei sem saber para onde eu ia, mas cheguei a algum lugar. E este lugar é este prémio. É a primeira mulher negra a receber aquele que é o prémio de maior prestígio da língua portuguesa e foi num discurso emotivo e repleto de recados sobre o uso e o alcance da língua que Paulina Xizian se interrogou. O que é que me trouxe até este nível? Será que eu falo português? Mesmo de verdade. E é na língua portuguesa, escrita e dita, que a escritora encontra outras questões. É minha língua e tenho muito orgulho dela. É nela que eu expresso os meus sentimentos e me afirmo diante do mundo. Mas eu gostaria que a língua portuguesa fosse realmente a língua de todos. Esta língua, apesar de ser nossa, ainda tem umas especificidades. Particularidades que chegam a assustar a autora moçambicana, sublinhou Paulina Xizian, que dá um exemplo. A palavra catinga, que vem como cheiro nauseabundo, característico da raça negra. E foi por entre explicações sobre a forma como as palavras podem acentuar o racismo e o sentimento colonial que a escritora defendeu uma verdadeira mudança. A língua portuguesa, para ser nossa, definitivamente nossa, precisa de um tratamento, de uma limpeza, uma descolonização. Um pedido em jeito de exigência da vencedora do Prémio Camões 2021, prémio entregue em pleno Dia Mundial da Língua Portuguesa. Escrevo como quero, como posso, para me afirmar, porque eu, africana, eu sou e eu tenho. Muito obrigado. Apelo na voz de Paulina Xizian, escritora moçambicana, a receber o Prémio Camões de 2021 esta tarde em Lisboa. O ministro da Administração Interna confia na possibilidade de se reverter o pré-aviso de greve de um dos sindicatos de inspectores do SEF, marcada para este mês. E ele pensa que vai conseguir reverter esse pré-aviso através do diálogo sobre o atraso na redação dos diplomas que extinguem o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. José Luís Carneiro promete novidades para muito breve. A complexidade e, sobretudo, o melindre e a delicadeza na redação que deve integrar os diplomas que foram aprovados no plano global e que tiveram o cuidado de responder ao essencial das questões dos sindicatos, estão mesmo, julgo que, em condições de fechados que estejam, julgo que hoje mesmo eles têm condições para estarem concluídos na sua redação essencial para posterior envio para o Sr. Presidente da República. São dois os diplomas que ainda precisam da luz verde do Presidente da República. A extinção do CEF foi aprovada em Conselho de Ministros no início de abril. Depois vai nascer a Agência Portuguesa para Minorias, Migrações e Asilo. Há mais de uma semana sem acesso aos poucos pertences deixados para trás após a derrocada na Rua 31 de Janeiro, no Porto, os 15 moradores do prédio, imigrantes em Portugal, não têm respostas nem soluções duradouras por parte da Segurança Social ou da Câmara Municipal do Porto. A acusação é feita pela Organização Habitação Hoje. Bernardo Alves afirma ser urgente o apoio a estes 15 desalojados. Continuar a fazer esta luta política de responsabilização, tanto da Câmara como da Segurança Social, como do proprietário que mantinha lá as pessoas a viver em condições absolutamente indignas, numa sobrelotação gigante, as coisas dos moradores que ficaram dentro da casa, que ainda não tiveram acesso, que não sabe se ficaram estragadas, documentos, roupas, ou seja, os moradores estão completamente privados de tudo aquilo que tinham, ainda não foram indenizados. Os proprietários costumam passar em branco nestas situações, ou seja, quem está a aproveitar das pessoas, o que nós vamos lutar é para que isso não aconteça nesta situação e em todas as que encontrarmos, obviamente. Bernardo Alves, da Organização Habitação Hoje, que denuncia a falta de respostas para estes 15 moradores do prédio que sofreu uma derrocada na Rua 31 de Janeiro, no Porto. Eles continuam sem respostas de qualquer entidade pública. Último jogo dos quartos de final da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins, que se joga no Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo. Sporting ou Valongo, uma das equipas, vai encontrar amanhã a Oliveirense, que já garantiu o acesso às meias finais ao bater os italianos do Tricino nas grandes penalidades. O jogo que está a ser acompanhado pela repórter Ariana Azevedo, agora aqui em direto. Os italianos do Tricino, que são os atuais campeões europeus em título, é certo que não o vão renovar. Este será um jogo muito emocionante entre as equipas portuguesas. O Sporting tem 3 títulos, é a equipa mais titulada, conquistou a Liga dos Campeões 3 vezes, a última delas em 2021. Já o Valongo quer chegar à segunda final consecutiva, assim é que é, uma vez que no ano passado foi batido precisamente pelo Tricino. Jogo que promete emoção, bancadas a fazer com que a lotação esteja esgotada. O pavilhão está literalmente à pinha, 0-0 nesta altura, com 6 minutos de jogo. Ariana Azevedo.